الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication des hadiths sur la croyance et le suivi mentionnés par le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. Nous allons voir maintenant le 19e hadith qui concerne les 7 péchés destructeurs. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ijtanibu sab' al-mubiqat » « Écartez-vous des 7 destructeurs » c'est-à-dire les 7 péchés destructeurs, ceux qui anéantissent la personne, l'amènent à la perdition. قالوا يا رسول الله وما هن. Ils dirent alors, ô messager d'Allah, et quels sont-ils? Regardez le désir des compagnons radiyallahu anhum d'apprendre cette science, de connaître ces choses afin de pouvoir s'en écarter et s'en préserver. قال الشرك بالله. Il dit, premièrement, le shirk, l'association à Allah, le fait de donner des associés à Allah dans l'adoration. Wa sihr, la sorcellerie. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, le fait de tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée de non-droit. Wa aklu ar-riba, manger d'ar-riba, manger de l'usure. Wa aklu mal al-yatim, manger les biens de l'orphelin. والتولي يوم الزحف, le fait de fuir au combat face à l'ennemi. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, et diffamer, accuser de fornication les croyantes chastes et insouciantes. Ceci sont les 7 péchés destructeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith qui est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne ici de nous écarter de ces 7 péchés. Et est-ce que les grands péchés, est-ce que les péchés destructeurs sont seulement au nombre de 7? La réponse est non. En réalité, ils sont peut-être plus proches de 70, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et les savants ont écrit des livres à ce sujet. Il y a le livre des grands péchés de l'imam Al-Dhahabi, rahimahullah. Il y a également le livre des grands péchés écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamim, rahimahullah, et d'autres livres écrits à ce sujet. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en a mentionné ici 7 parmi les plus graves et les plus destructeurs. Et l'objectif de la mention de ce chiffre est qu'on retienne ces 7 graves péchés et que l'on puisse s'en écarter. Donc le premier qu'il a mentionné qui est le plus grave et le plus dangereux, c'est l'association à Allah, le shirk. Polythéisme. Ce péché dont l'auteur n'est pas pardonné s'il meurt sans s'en repentir. Et aucune bonne action ne sera acceptée de lui s'il meurt dans cette situation. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Ne pardonnera pas l'auteur du shirk s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Également, le paradis lui sera interdit. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Certes, celui qui fait du shirk, qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit certes le paradis. Il ne sentira même pas son odeur. Et lorsqu'on parle de shirk, il est important d'expliquer qu'est-ce qui est visé par cela. Car nombre de personnes vont dire, mais bien sûr, je n'adore qu'Allah. Je n'adore nul autre qu'Allah. Je ne prie que pour Allah, je ne jeûne que pour Allah, je ne donne la zakat que pour Allah. Pensant que l'adoration se limite à cela. Puis ensuite, il va sacrifier pour les morts, pour les mausolées, pour le wali, pour le sidi, pour le saint. Il va sacrifier pour les djinns, sur le pas de sa porte, lorsqu'il achète ou qu'il emménage dans une nouvelle maison. Il va sacrifier pour les sorciers. Il va sacrifier des bêtes qu'il va abandonner dans un wad ou dans un puits ou autre chose semblable. Sous l'ordre d'un sorcier ou d'un charlatan, il va se rendre auprès des tombes, les invoquer en dehors d'Allah, leur demander La subsistance, la guérison d'une maladie, le fait d'avoir un enfant, de se marier ou autre chose semblable. Tout ceci est présent parmi les gens, même parmi ceux qui s'affilient à la religion de l'islam. Et ceci relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Donc le musulman doit être attentif à cela et comprendre qu'il est d'une grande importance d'apprendre qu'est-ce que le shirk afin de pouvoir s'en écarter. Et il y a des formes de shirk qui sont apparentes comme celles que je viens de mentionner qui sont faites auprès des tombes des prophètes, auprès des tombes des vertueux, des sidis, des walis ou je ne sais quoi. Il y a d'autres formes de shirk qui sont plus subtiles, à l'exemple de ce qui est lié à l'ostentation qui relève du polythéisme mineur. D'accomplir un acte qui, en apparence, est un acte par lequel on se rapproche d'Allah, mais chercher en réalité à travers cela les éloges et les compliments des gens. Wallahu al-musta'an. Le deuxième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est la sorcellerie, qui est une chose qui réunit entre la mécréance et la nuisance faite aux gens. Et ce qui est visé par la sorcellerie, ce sont les incantations, les formules, les nœuds qui sont faits et autres choses semblables, qui ont un effet sur les cœurs et sur les corps. La personne victime de sorcellerie, elle peut être malade, elle peut même en mourir. La sorcellerie, elle peut être une cause de séparation entre un homme et son épouse. Mais tout ceci, il est important de savoir que cela ne peut avoir lieu que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne peuvent nuire par cela à personne si ce n'est par la permission d'Allah. Il est important de comprendre cela. Que même si la personne est touchée par la sorcellerie, ceci est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Tu dois donc faire preuve de patience, espérer à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Te remettre en question et revenir à ton Seigneur, car il nous dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Aucun malheur ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vos mains ont commis. Donc quelle que soit l'épreuve qui est atteinte et entre dans cela, le fait d'être touché par la sorcellerie, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah guérisse ceux qui sont éprouvés par cela, tu dois savoir que ceci a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois donc faire preuve de patience, ne pas t'indigner de son décret. Et la sorcellerie, comme on a dit, elle réunit entre la mécréance et la nuisance faite aux gens. Car le sorcier, en réalité, il ne peut concrétiser et réaliser sa sorcellerie qu'après s'être rapproché des démons par différentes formes d'actes ignobles relevant de la mécréance majeure, comme le fait de souiller le mushaf, souiller une mosquée, ou prier en état d'impureté majeure, ou autre chose semblable, ou à l'ayadu billah. Les démons lui ordonnent cela et il commet ces actes gravissimes afin de se rapprocher d'eux et qu'ils soient à son service. Et en raison de ces nombreuses nuisances, les gens de science sont mentionnés, et parmi eux l'imam Malik, l'imam Ahmad, et un groupe de compagnons et de leurs disciples, que la pratique de la sorcellerie et de la mécréance dont l'auteur est condamné à la peine capitale. Et son repentir n'est pas accepté. Cela ne signifie pas que son repentir n'est pas accepté entre lui et Allah. Il peut se repentir. Entre lui et Allah, il peut se repentir. Mais à partir du moment où le gouverneur a connaissance de ses agissements et qu'il se fait arrêter en raison de sa pratique de la sorcellerie, sa peine est la peine capitale même s'il prétend s'être repenti. Et la sorcellerie également, il n'est pas permis de l'apprendre et de l'enseigner. Ce n'est pas seulement sa pratique qui est interdite, mais lire des livres de sorcellerie, apprendre à faire la sorcellerie, ceci est interdit également. Et ceci fait partie des péchés destructeurs desquels le croyant se doit de s'éloigner. Le troisième grand péché contre lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti dans ce hadith, c'est le fait de tuer une personne innocente de non-droit. Ceci fait partie des crimes les plus graves menant à la déstabilisation des pays, la disparition de la sécurité, la rupture des liens entre les gens et l'apparition et la diffusion de nombreux conflits et de l'animosité entre les gens. Ceci fait partie des crimes et des péchés les plus graves. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a. » Celui qui tue une personne sans que celle-ci n'en ait tué une autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas tué pour un crime qu'il a commis auparavant. Ou sans qu'il n'ait commis de corruption sur terre. C'est comme s'il avait tué l'ensemble des gens. Et regardez aujourd'hui comme ce péché gravissime s'est banalisé. Comme sont nombreuses où on entend que des jeunes se sont battus, l'un a sorti une arme et en a tué un autre. Et ceci est devenu une chose courante. Wallah al-musta'an. Les gens se font tuer pour des causes insignifiantes, parfois même sans raison. Au départ d'un regard ou d'une dispute ou d'une mauvaise parole, l'un perd la vie et quitte ce bas monde, et l'autre se retrouve face aux conséquences du crime gravissime qu'il vient de commettre. Et celui qui tue volontairement une personne, de non-droit, la peine en islam est la peine capitale. Ce n'est ni la perpétuité, ni la prison je ne sais combien d'années, mais c'est la peine capitale. Et ceci est le meilleur moyen de mettre fin à ses crimes. Car si celui qui tue, il sait que, s'il tue, il sera aussi tué, il va alors réfléchir à deux fois et s'éloigner de ce qui pourrait le mener à commettre un tel crime. Et ceci nous montre le bienfait et la perfection des lois de la charia. Le quatrième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici est le fait de manger l'usure, riba. Riba, qu'est-ce que cela signifie? Riba, dans la langue arabe, c'est l'augmentation. Le mot riba, il veut dire l'augmentation, l'ajout. Et dans la législation, c'est le fait d'ajouter au capital de base de l'argent d'une manière interdite. Et le riba qui était connu, l'usure qui était connue au temps de la Jahiliya avant l'islam, c'est que quelqu'un empruntait de l'argent à un autre en convenant de lui rendre à une date fixée. Une fois l'échéance arrivée, s'il n'avait pas de quoi lui rembourser, il lui disait « Soit tu me rends mon argent, soit tu ajoutes à cela, tu le fais augmenter. Je t'ai prêté 100 que tu me rendras dans 15 jours. Les 15 jours terminés, tu n'as pas les 100 ? D'accord, tu me dois maintenant 120. » C'est ça le riba, qui était pratiqué au temps de la Jahiliya. Et c'est le même principe que les pénalités de retard qui sont aujourd'hui dans de nombreux contrats, ou les agios pour les découverts à la banque. Tu empruntes et tu rends une somme supplémentaire. Tu as des pénalités, tu as des frais de retard. Et ceci relève du riba, de ce grand péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit clairement dans son noble livre. Et le fait de manger de l'usure revient à manger les biens des gens injustement. Car cette personne qui mange de l'usure, elle s'est procuré cet argent sans aucun effort de sa part. Et cette pratique-là fait partie des causes menant au feu de l'enfer. Et les gens de science ont dit que ceux qui mangent de l'usure, ceux qui pratiquent l'usure, font partie des gens au cœur les plus durs, et les gens les plus éloignés de la clémence, de la compassion et de la miséricorde envers les gens. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que ils profitent de la détresse et de la pauvreté de gens en difficulté? Est-ce qu'un cœur, clément et miséricordieux, peut profiter d'une telle situation? Voir un pauvre en difficulté, lui prêter de l'argent, en exigeant de lui qu'il nous rende une somme supplémentaire? Ceci est une des plus graves injustices. Tu sais qu'il est dans le besoin, tu sais qu'il est en détresse, tu sais que s'il n'était pas dans cette situation, il ne t'aurait pas sollicité. Malgré cela, tu profites de sa faiblesse, tu lui prêtes, et tu exiges qu'il te rende plus. Ceux-là sont donc des gens au cœur dur, et dont les cœurs ont été privés de miséricorde et de compassion, Allah al-Musta'an. Et il est à souligner que ce péché, son auteur est maudit, mais également celui qui écrit l'usure, c'est-à-dire qui écrit le contrat, et également ceux qui en témoignent. Tous ceux-là sont sous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore sa colère. Et combien sont ceux à se laisser aller dans des transactions usuraires de nos jours, avec toutes ces cartes qui sont utilisées, proposant des paiements décalés ou en plusieurs fois ou je ne sais quoi, avec comme condition ces pénalités de retard. Même si tu ne l'utilises pas, le simple fait de signer le contrat, tu signes le contrat dans lequel tu t'engages à cela si ça arrive, alors tu as signé riba. Tu es tombé dans ce péché, Wallah al-musta'an. Le cinquième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici est le fait de manger les biens de l'orphelin. L'orphelin, en islam, c'est le jeune enfant, celui qui n'est pas pubère, qui a perdu son père. C'est lui qui est appelé al-yatim, l'orphelin. Et il fait partie de son droit sur les gens, de manière générale, qu'ils le prennent en charge, qu'ils s'occupent de lui, de son éducation, ainsi de suite, et, s'il a de l'argent, qu'il fasse fructuer ses biens, afin de l'aider lorsqu'il sera grand, et qu'il puisse s'en servir et en profiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sévèrement mis en garde dans son noble livre contre le fait de manger des biens de l'orphelin. Il a dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا. Certes, ceux qui mangent des biens de l'orphelin injustement. إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. Ils ne font que manger en réalité et remplir leur ventre de feu. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Et ils brûleront bientôt dans la fournaise. Donc les biens de l'orphelin, ses richesses, qu'il a peut-être reçues en héritage de son père qui est décédé, ils ont une valeur immense. Ils doivent être préservés, afin qu'il puisse en profiter une fois qu'il aura atteint l'âge de la puberté et qu'il sera assez mûr pour gérer ses biens lui-même. Et celui qui est en charge de ses biens, il doit prendre garde à ne pas en consommer injustement. Et entre dans cela également tous ceux qui se sont imposés la mission de récolter de l'argent pour les orphelins, comme à travers l'ouverture d'une association ou autre. Cet argent qui est donné au profit des orphelins, il doit parvenir à ces orphelins. Et ceux-là doivent prendre garde à être conscients du dépôt qui leur a été confié. Sixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le fait de fuir lors de la rencontre de l'ennemi. Car ceci est une chose qui va affaiblir les musulmans. C'est une forme d'abandon. Et également, cela mène à une nuisance sur la religion et cela donne le dessus sur les ennemis et leur permet de porter atteinte au sang des musulmans et à ce qu'ils ont de plus sacré parmi les femmes, les biens et les enfants. Il n'est donc pas permis pour le musulman qui se trouve dans une telle situation de fuir. Et il doit se rappeler que quelle que soit la situation, il sera gagnant. C'est lui le victorieux. Soit il obtient la victoire et le butin, soit il obtient al-shahada, le martyr sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc quelle que soit la situation, il est victorieux. Il n'a donc pas à fuir et il doit rester et faire preuve de patience et de fermeté. Enfin, le septième péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, il concerne la diffamation, le fait d'accuser une femme chaste, croyante, vertueuse et insouciante, une femme à qui les turpitudes ne traversent même pas l'esprit, l'accuser de les avoir commises. Ceci fait partie des plus graves des grands péchés. Une femme dont telles sont les caractéristiques, comment peut-on l'accuser d'avoir commis quoi que ce soit parmi les turpitudes? Et ceci arrive fréquemment, malheureusement. Des gens sur une simple suspicion, certaines circonstances qu'ils ont pu observer vont se laisser aller dans leurs pensées et imaginer des choses, puis venir à en parler et accuser injustement des gens de ce dont ils sont innocents. Et celui qui fait cela, qui accuse une personne d'avoir commis ce grave péché, le péché de la fornication, il se doit d'apporter 4 témoins. Et s'il ne fait pas cela, s'il n'apporte pas 4 témoins, alors c'est lui auprès d'Allah qui est un menteur et un pervers. Son témoignage ne sera plus jamais accepté, et il doit subir une peine légale de 80 coups de fouet. Ceci est sa rétribution dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, il encourt un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Inna alladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi dunya wal-akhirah wa lahum adabun azim. » Certes, ceux qui lancent des accusations contre des femmes croyantes, chastes et insouciantes sont maudits ici-bas et dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout châtiment. Donc le musulman, il doit prendre garde à l'ensemble de ses graves péchés. Se rappeler que ses péchés, celui qui les commet, il court à sa perte. Il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il encourt son châtiment. Et si tu t'éloignes de cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera et effacera tes fautes mineures. Il dit subhanahu wa ta'ala, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Si vous vous écartez des grands péchés qui vous ont été interdits, nous vous pardonnerons vos fautes, c'est-à-dire les péchés mineurs, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Ceci fait partie de la grâce d'Allah et de sa bienfaisance envers ses serviteurs croyants. Il leur a promis que s'ils s'écartaient des grands péchés qui leur sont interdits, il leur pardonnera l'ensemble de leurs mauvaises actions et de leurs péchés. Il leur fera entrer dans cet endroit honorable qu'est le paradis, qui contient le bien en abondance et qui contient ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Donc le musulman, il doit veiller à apprendre à connaître quels sont les grands péchés, afin de pouvoir s'en éloigner et s'en écarter et ainsi obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, son agrément, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse entrer au paradis. Donc en résumé, on tire de ce hadith comme bénéfice la bienveillance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, car il nous a indiqué le bien afin que l'on puisse le mettre en pratique, mais également il nous a mis en garde contre le mal afin que l'on s'en préserve et que l'on puisse s'en écarter. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation de s'écarter de ces péchés destructeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici et contre lesquels il nous a mis en garde, et s'écarter également de l'ensemble des grands péchés qui nous ont été interdits dans le Coran et la Sunna authentique. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il y a des choses qui peuvent paraître insignifiantes aux yeux des gens, qui peuvent être fréquemment commises, mais ceci ne diminue en rien de leur gravité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens les pensent insignifiantes, cela reste des choses gravissimes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala desquelles le croyant doit s'éloigner, et s'il est tombé dedans, il doit s'empresser de s'en repentir. Enfin, le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, parmi ces nombreux bénéfices que l'on ne peut pas tous citer, il y a le fait que le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, est le plus grave des péchés, car c'est le premier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. On a donc terminé pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم